Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'émission Livresque Préface pour parler bouquins autour de thèmes variés, tout ça avec des propositions musicales. Et le thème aujourd'hui, ce sont les zombies. Âmes sensibles, préparez-vous à rentrer dans un univers où les morts sont vivants. Et pour en parler, nous avons un invité, Alexandre Ratel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes un auteur lorrain dont la spécialité ce sont les zombies. Donc nous sommes ici pour parler de votre dernier recueil de nouvelles qui est sorti au mois de janvier et qui s'intitule « Zombies, le règne des morts ». Alors si on suit un peu au titre, ça parle de zombies, mais ça parle de quoi aussi exactement ? Alors ça parle de zombies forcément, mais ça parle avant tout d'êtres humains qui évoluent dans un monde de zombies. Un petit peu après l'apocalypse zombie, c'est-à-dire qu'on s'est un petit peu habitué, la société s'est habituée, donc dans plusieurs textes, à peu près la moitié des textes, il faut faire avec cette composante zombie, donc il faut continuer à emmener les enfants à l'école, il faut continuer à mener son métier malgré le fait qu'il y ait des zombies dans les rues qui sont nettoyés le soir, mais bon, ça se remplit assez vite. Plus on tue de zombies, plus il y en a. Tout à fait. D'où vous vient un peu cette passion, si je puis dire, pour les zombies? Quand est-ce que vous avez commencé à écrire dessus et pourquoi? Alors, la passion, elle remonte même bien avant l'écriture, parce que je réfléchis souvent à cette question, je me dis, mais qu'est-ce qui peut faire qu'on puisse aimer les morts vivants ? Un petit peu le hasard, quand j'étais enfant, mon père, qui était militaire, est revenu à la maison avec les mains dans le dos et nous a proposé à moi et mon frère de choisir une main. Et j'ai choisi la main gauche, il me semble, et il avait les maîtres de l'univers, donc il y avait Skeletor et Musclor, et j'ai hérité de Skeletor. Et je ne sais pas si c'est ça qui a déclenché, mais en tout cas, c'était mon premier mort-vivant. Après, même chez Disney, je garde un très bon souvenir de Taram et le Chaudron Magique, qui parle aussi de mort-vivant. Et j'ai eu de cesse de cultiver cet amour du mort-vivant, qui plus est quand j'ai grandi, que je suis tombé sur le film de George Romero, Zombie. Donc, toute une culture autour de ce thème, finalement. Et... Vous parliez aussi dans votre blog des livres dont vous êtes le héros. Comment est-ce que ça a pu vous apporter quelque chose de plus avec ce thème des zombies ? Alors dans cette collection, il y avait quelques tomes, hein, le repère des morts vivants. Je me souviens d'ailleurs, j'ai encore toute la collection à la maison. On ne sait jamais, hein, si mes filles souhaitent mettre le nez dedans un jour, ça fera un patrimoine littéraire. C'était le côté fantastique qui m'attirait. J'étais pas très attiré par la lecture et c'est les livres dont vous êtes le héros qui m'ont amené de manière ludique vers la littérature et du coup je les ai avalés les uns derrière les autres et comme je vous dis j'ai une énorme collection de ces livres que je conserve précieusement parce que c'est aussi grâce à eux, grâce à ces auteurs que je suis arrivé à la lecture et à l'écriture aussi. Et quand vous parlez un petit peu d'auteurs, c'est quoi votre panthéon intérieur ? C'est quoi vos auteurs préférés sur tous ces genres ? Alors, je ne vais pas être très original, comme beaucoup de mes collègues, Stephen King. Hein, c'est lui qui m'a amené à passer au roman pur. Hein, on est sorti du jeu. C'était en empruntant minuit 2 dans la bibliothèque du père de mes meilleurs amis à l'époque. Hein, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Quoi. Et une fois que j'ai mis le nez dedans, c'est fini. Après, il fallait en lire un deuxième, un troisième, un quatrième. Et... J'ai une belle collection aussi de Stephen King. Après, je lis d'autres choses. Je lis du Ray Bradbury. Hein. Mon épouse m'a un petit peu converti aussi à Bradbury. Chuck Palahniuk, dont j'ai lu la Biblio aussi. J'aime énormément le style. Voilà, des choses un petit peu variées. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant un peu de ça, vous étiez au Festival de Gérardmer, au salon du livre du festival. Est-ce que vous êtes un peu plus horreur ou fantastique, du coup ? Fantastique. L'horreur, on peut avoir des choses très sympas. Aujourd'hui, je regarde un petit peu moins de films d'horreur. J'ai peut-être un peu moins de plaisir à les regarder. Après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est vraiment les règles du fantastique. Vous allez voir un film ou un livre qui, en quelques scènes ou quelques pages, va dérouler un univers avec des règles qu'on doit comprendre assez vite et qui sont aménagées au fur et à mesure, donc des indices sont dispensés. Je pense au film que j'ai vu, un des films que j'ai vu notamment à Gérardmer qui s'appelle The Room, où voilà, en deux scènes, deux, trois scènes, on comprend comment ça se passe et il y a un suspense qui se met. Et après, ça offre une très grande liberté, le fantastique, puisque c'est vous le maître du jeu, c'est vous qui inventez les règles. La seule chose, c'est de faire en sorte qu'elles restent cohérentes et c'est peut-être ça le plus difficile, quoi. Et quand vous dites qu'on invente un petit peu les règles, vous inventez du coup vos histoires. Et est-ce que parler vraiment principalement que de zombies, ça évoque chez vous une peur d'une certaine apocalypse qui pourrait arriver ou c'est vraiment une passion Une peur, pas une peur d'apocalypse, une peur de la mort. Ça, sans nul doute, hein, je veux dire, quand on avance, moi je suis pas encore très vieux, hein, j'ai 38 ans, mais quand on avance, on y pense un petit peu aussi, de manière différente d'il y a 10 ans, quand j'écrivais des textes. Donc, ouais, il y a sans doute une peur de la mort. Ce que j'aime bien, ce que j'aime à penser dans les histoires de morts-vivants, c'est que dans notre société, quand quelqu'un décède, on s'empresse de le cacher, hein, un cercueil, ou on s'empresse de le faire disparaître par crémation, alors que dans un monde de morts-vivants, on vous confronte forcément à ça, quoi. Là, voilà. C'est ça qui est aussi intéressant, quoi. Et puis on se bat aussi contre la mort, donc c'est peut-être aussi une façon de vaincre cette peur. C'est ça, d'essayer d'augmenter sa longévité, on va dire. Merci beaucoup. Donc pour continuer un petit peu sur cette lignée des morts-vivants, on va parler de World War Z. Donc, je ne sais pas si vous l'avez lu. Je l'ai vu, je l'ai en livre, j'en ai lu une partie. Je n'ai pas spécialement accroché au livre de Max Brooks, mais bon, je ferai l'effort de lire la suite et fin. Très bien, donc avant on va faire une petite pause musicale, donc The Cranberries, Zombie bien sûr, hein, pour rester un petit peu dans le thème, et on se retrouve juste après pour parler de World War Z. Voilà un petit extrait de Zombie de The Cranberries, donc un classique quand même du groupe et aussi qui parle bien sûr de zombies. Donc pour revenir un petit peu sur le sujet de l'émission préface du jour, les zombies. Comme beaucoup, je pense, j'ai eu une période zombie. On a été submergé de ces créatures, surtout sur le marché de l'audiovisuel. Et on allait voir des films de zombies, on en regardait à la maison, ce que nos parents n'aimaient pas trop, je me souviens. Parmi eux, il y avait World War Z, Shaun of the Dead, qui était un peu plus drôle, Warm Bodies, Resident Evil, 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, ou encore Dernier Train pour Busan, un peu plus récent, voire Je suis une légende, le mythique Je suis une légende, sans oublier la série que tout le monde regardait à l'époque, The Walking Dead. Donc je ne sais pas si ça vous parle un petit peu tout ça quand même. Si, tous ces films, toutes ces séries, je les ai vus et je continue à regarder aussi The Walking Dead, comme je continue à lire en parallèle l'œuvre de Kirkman. Bon, j'ai bien abandonné, hein, à un moment donné. Ça oui, c'est le cas de beaucoup de gens, mais bon, moi je persiste et signe, je suis curieux. Eh bien, très bien. Donc, c'est devenu une très grande mode à un moment donné et ça continue encore un petit peu quand même. Et c'est aussi à ce moment-là, du coup, que j'ai lu les seuls livres de zombies que j'ai pu ouvrir à ce jour, dont World War Z de Max Brooks, qui est sorti en 2006. Donc, j'avais vu le film avant avec Brad Pitt et je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai ouvert le livre. C'est une sorte de roman historique fictif sur le fait mondial de l'invasion des zombies, le jour Z et donc la guerre zombie. Donc on ne s'attendait pas à ça. Une fois qu'on a vu le film, on se dit « ouais, ça va être un récit d'aventure et tout ». Absolument pas. Donc l'auteur, c'est un membre de l'ONU qui est chargé de la mission post-traumatique de l'ONU et qui parcourt le monde pour recueillir les témoignages d'hommes et de femmes qui ont vécu cette guerre. Donc c'est un recueil de voyages et de rencontres avec des personnes tout à fait différentes. On passe de celui qui a découvert le patient zéro dans une province chinoise à un vétéran canadien de la guerre ou encore à des passeurs de drogue. Donc tout le monde a été touché de près comme de loin par l'épidémie finalement. Et puis c'est surtout une fiction très réelle, autant dans les faits qui peuvent nous rappeler Ebola ou aujourd'hui le coronavirus dont on parle énormément. Mais c'est aussi une fiction très réelle dans son écriture car c'est très journalistique. Et avec les questions du chargé de mission de l'ONU, les introductions des personnes interrogées, leurs réponses. Et pourtant, dans mon cas, je l'ai très très bien lu et je l'ai très bien apprécié. Et en plus, vu que ce sont des témoignages d'un fait passé, on vit les scènes un peu différemment. Il n'y a pas ce stress qu'on peut avoir dans les romans un peu horrifiques où on se demande si le personnage va mourir. On sait que le personnage a vécu et on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui lui est arrivé finalement ? Donc ici, les zombies sont bloqués dans la glace et tués dès qu'ils en ressortent. Et le seul lieu sur Terre où on n'est pas sûr qu'il reste aucune de ces créatures, c'est la Corée du Nord. Donc c'est très très réaliste. Et le World War Z, c'est aussi un témoignage, l'un des témoignages les plus véridiques que j'ai pu lire sur cet univers zombie. Donc c'est vraiment réaliste et on se dit que ça peut vraiment arriver, ce qui n'est pas forcément fait pour nous rassurer. Donc je ne sais pas si vous avez eu cette expérience quand vous l'avez lu, parce que vous m'avez dit que vous n'aviez pas trop apprécié. C'est quoi qui vous a un peu rejeté en fait dans cette lecture? C'était le côté il y a le côté documentaire qui est assez intéressant mais qui m'a assez vite lassé. Je trouvais un petit peu lent. Après voilà, c'est un livre, on aime ou on n'aime pas. Je ne dis pas que j'y reviendrai pas et bon, j'ai pas pris plus de plaisir que ça non plus à voir le film avec Brad Pitt qui est tout à fait correct, mais voilà, après on reste dans un... Après il y a une originalité tout de même dans ce qu'a écrit Max Brooks par rapport au thème. On ne se contente pas d'être dans un lieu confiné où on essaie de repousser la horde et de survivre, ce qui représente à peu près 95% des récits zombies, que ce soit littéraires, en série télé ou en cinéma. Moi d'ailleurs j'essaie de sortir un petit peu de ça, même si... je prends aussi plaisir à écrire des récits de ce type, ça fait partie des codes et de l'ADN de ce genre, donc il y avait cette originalité qui me poussera sans doute à aller finir le livre, mais je vous dis, je ne vais pas m'avancer plus que ça sur un livre que je n'ai pas pu lire jusqu'au bout, donc voilà. Très bien, ben, c'est dommage parce que pour moi, du coup, c'est l'un de mes seuls classiques et l'une de mes seules lectures zombies, et c'est vrai que j'avais bien aimé du coup moi ce côté documentaire qui changeait totalement de ce qu'on avait pu voir. J'étais à fond dans The Walking Dead à l'époque, ouais. Ça m'est vraiment plu sur ce parallèle. Donc voilà un petit peu pour ce thème, et j'aimerais aussi vous lire ma citation préférée de ce livre quand même. C'est les paroles de Breck Scott, qui est un narrateur dont le narrateur raconte en Antarctique. Donc ses paroles, ce sont « La seule règle qui signifie quelque chose pour moi, c'est un prof d'histoire qui me l'a apprise à Wharton, pas d'économie, hein, d'histoire. La peur, il disait, c'est la plus précieuse matière première de l'univers. Et ça m'a calmé tout net. Allumez la télévision, qu'est-ce que vous voyez? Des gens qui vendent leurs produits? Non. Des gens qui vendent la peur que vous éprouvez à l'idée de ne pas les avoir. » Putain que c'était bien vu. Peur de la vieillesse, peur de la solitude, peur de la pauvreté. La peur, c'est l'émotion la plus primitive qui soit, primaire presque. C'est devenu comme un mantra pour moi. La peur fait vendre. Et ça m'amuse un peu parce que du coup, ça revient sur ce qu'on disait au début. Donc la peur de la mort, qui peut aussi se rapporter un petit peu à cette peur de la vie finalement. Oui, c'est ça. Après, moi, ce que j'essaie de développer chez mes personnages, justement, c'est qu'ils prennent toujours plaisir à vivre leur vie, aussi éphémère soit-elle, puisque la longévité est quand même... l'espérance de vie est quand même limitée hein, dans le monde que je décris. Et ben, c'est d'essayer de surmonter tout ça. Et malgré l'horreur zombie aujourd'hui, enfin, dans mes histoires ou dans les histoires de zombies en général, elle est tout autre dans la vie réelle. Je veux dire, je ne vais pas faire de politique ou de grande philosophie, mais... parler de coronavirus, de la guerre, hein, ça ne s'arrête jamais. Enfin, voilà, dans les histoires, c'est juste une analogie, en fait. Un petit peu plus poussée, un peu plus sanglante, plus macabre aussi. Encore que, pas toujours. Ouais, c'est vrai que parfois, ça se rapproche beaucoup de la réalité. Ouais, c'est ça. Pour terminer cette émission zombie, on écoute Thriller de Michael Jackson. Voilà, on termine sur cette dernière pause musicale de Michael Jackson, Thriller. J'espère que ça vous aura donné envie de lire un petit peu cette chronique et aussi de découvrir les œuvres d'Alexandre Attel. Donc merci encore d'être venu nous parler de tout ça. Merci à vous. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors vous pouvez me trouver sur Facebook, si sur Google vous tapez mon nom, normalement vous tombez sur mon site et vous pouvez trouver mon livre aussi sur Amazon. Très bien, donc votre livre est sorti au prix de 15€ sur Amazon uniquement. Tout à fait, pour le moment. Très bien. Et sinon, si vous voulez retrouver le livre de Max Brooks, World War Z, il est disponible aux éditions Livre de Poche au prix de 8,90€. Donc voilà un petit peu pour les informations pratiques. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bonne lecture. Salut !